sonde ton regard, un curieux mélange de ciel bleu et de brouillard. Avec tes cheveux longs, plus noirs que du charbon, tombant sur le cuir usé de ton veston. Ta bouche, la soie de ta chemise, le son de ta voix qui nous grise et magnétise, font qu'on se surprend quand tu entres quelque part, te voir s'embuer de coups tous les miroirs. T'as pas besoin ton cœur en or et ta beauté du diable. On raconte au bistrot que tu vis solitaire, que tes amis seraient tous des célibataires. On t'accoste en jaguar, plein de dollars en poche, au sujet des bobards. Avec ton cœur.